soit différent et qu'elle leur donne réellement le temps. Ici, comme ailleurs, ce n'est pas important. La seule chose qui faut, qu'elle s'aime plus longtemps. Tu sais bien que tu ne pourras pas résister à l'envie de chercher à assouvir tes désirs, à en mourir. Envie de chercher à nourrir tes désirs, à en mourir.